Chapitre 4. Le docteur Brocard venait d'achever son dîner. Il dînait à 1 heure, à l'ancienne mode. Après ce repas, qui était long et copieux, il se faisait servir le café dans sa chambre à coucher et couronnait cette importante opération par une légère sieste. Donc, ce jour-là, bien au frais dans une veste de toile, bien mollement étendue dans sa bergère en velours d'Utrecht et feuilletant la guerre des dieux, le docteur surveillait du coin de l'œil les apprêts de sa gouvernante Angélique. De temps à autre, il envoyait une plaisanterie à l'adresse de cette dévote vierge de 48 ans, dont la tournure sans grâce, la figure moutonnière et le vêtement presque monastique juraient singulièrement au milieu de cette pièce encore imprégnée de je ne sais quel parfum libertin du 18e siècle. Au panneau des boiseries étaient accrochées des gravures d'après Baudouin et Fragonard, le coucher de la mariée, le verrou, l'escarpolette. La bibliothèque renfermait toutes les œuvres hardies ou licencieuses des philosophes et des romanciers d'avant 1789. Les liaisons dangereuses à côté de l'encyclopédie, les bijoux indiscrets non loin du contrat social. Au-dessus du bureau se dressait une copie en plâtre du buste de Diderot par Roudon. Les volets mi-clos laissaient voir toutes ces choses dans une pénombre veloutée et entretenaient une fraîcheur relative dans cette pièce haute de plafond, tandis que le soleil baignait le jardin, d'où montait un bourdonnement d'insectes. « On est bien ici, » dit le docteur en tournant lentement la petite cuillère dans son café chaud et parfumé. « Et ce serait grand dommage d'y être dérangé. Angélique, toi qui as de saintes correspondances avec le ciel, prie-le un peu, ma fille, de ne m'envoyer aucun malade cet après-midi. » Angélique, scandalisée, continua d'essuyer avec son tablier les moulures de la bibliothèque et se contenta de marmotter entre ses dents. « Le bon Dieu ne s'occupe pas de ces choses-là, monsieur Brocard. »« Et de quoi diantre s'occupe-t-il alors ?» s'exclama le docteur en humant son café. « Voyons, que lui demandes-tu dans tes pattes notres ?»« Votre salut, monsieur !» riposta Angélique en se tournant vers lui et en le regardant bravement avec ses gros yeux humides. « Peste, il ne t'écoute guère, ma fille, ou te le prie bien mal. Je gâche que tu as des distractions ou que tu penses à tes amours. »« Seigneur !» s'écria Angélique en joignant les mains. « Pouvez-vous croire que je m'occupe de pareilles sottises, à mon âge ?»« Parbleu, on y pense à tout âge. Hé, j'y pense bien encore, moi. »« Ce n'est pas ce que vous faites de mieux, monsieur Brocard. Et pour ce qui est de moi, je puis bien jurer que ces lubies-là ne me tourmentent guère. »« Voyons, Angélique, » continua le docteur, que ces taquineries, sans cesse renouvelées, amusaient toujours. « De toi à moi, pendant que ton confesseur ne t'entend pas. » Avoue qu'une fois ou deux, par-ci par-là, tu as mordu à la pomme. « Seigneur Jésus !» fit la pauvre fille, ouvrant sa bouche fendue jusqu'aux oreilles. « Pour qui me prenez-vous? Je n'ai jamais péché, Dieu merci. »« Comment jamais? Pas une malheureuse petite fois ?»« Jamais, au grand jamais » soupira-t-elle indignée. « Pauvre fille, » dit le docteur, « je te plains. » Il acheva de vider sa tasse et fredonna. Que craignons-nous de l'amour qui nous blesse? Que craignons-nous des traits d'un Dieu si doux? Nos cœurs sont faits pour suivre la tendresse. » Il fut interrompu au milieu de son couplet par la porte qui s'ouvrit brusquement et livra passage à Marianne, essoufflée et les cheveux au vent. « Oncle Brocard, » s'écria impétueusement la jeune fille, « il faut que je vous parle en particulier. » Le docteur, surpris, fit signe à sa gouvernante de s'esquiver, puis attirant Marianne près de lui, il lui donna une tape sur la joue. « Oh, la mignonne » demanda-t-il. « Te voilà toute pâle. Qu'est-il arrivé ?»« Ah, mon oncle, si vous saviez !»« Quoi ? Gageons que c'est encore un vilain tour de ton père ?» Marianne hocha la tête affirmativement. « Sacrebleu !» grommela Brocard. « Voudrait-il, par hasard, te renvoyer au couvent ?»« Non, » répondit-elle en rougissant. « Il ne s'agit pas de moi, mais de monsieur de Sainte-Nauge. Mon père a obtenu contre lui un mandat d'arrêt, et demain matin, on doit le conduire en prison. »« Ah !» murmura le docteur un peu rassuré. « Pauvre garçon, c'est grand dommage. Voilà bien les vilaines de ton père. Mais quoi, fillette, nous n'y pouvons rien. » « Pourtant, » hasarda Marianne, « il me semble que s'il était prévenu à temps, il trouve un moyen d'échapper aux gendarmes. » « C'est vrai. Et puis ce serait une bonne niche à faire à M. Février. » « Je cherche qui on pourrait bien envoyer à Birloup. » « Ne cherchez pas mon oncle, » interrompit Marianne avec un petit ton décidé. « Il ne faut nous fier à personne. » Et il n'y a que vous qui puissiez aller à Virloux. Plaisantes-tu ? S'exclama le docteur en lançant un regard vers le jardin plein de soleil. Je ne peux pourtant pas attraper une insolation pour les beaux yeux de Jean de Santenoge. Rien ne presse, répliqua Marianne en s'emparant des mains de son grand-oncle. Vous partirez à la brune, avec Clairette. Clairette est sortie ce matin et elle est sur les dents. Elle sera reposée ce soir, riposta Marianne d'un air câlin. Puis, sautant sur les genoux de Brocard et le prenant par le cou, « Voyons, mon oncle mignon, vous pouvez bien faire cette course pour ce pauvre monsieur de Santenoge, qui était si honnête avec moi. C'est presque une dette que nous avons contractée envers lui. Et puis, songez à la mine de mon père quand les gendarmes reviendront bredouille. » « Oui, oui, » murmura le docteur, que ses dernières perspectives fit sourire. « Mais 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir, je ne serai pas de retour avant minuit, en supposant que je trouve Santenoge au Châtelot. »« Oh, il faudra le trouver. D'ailleurs, » poursuivit la jeune fille avec une nuance d'embarras, « pour se cacher et vivre quelque temps hors de chez lui, il aura sans doute besoin d'argent, et vous savez qu'il est pauvre. Peut-être lui rendrait-on service en lui offrant une petite provision pour son voyage, et vous seul pouvez le faire. »« Mazette, comme tu y vas !» s'écria Denis Brocard, qui n'est même pas plus qu'un autre à jeter son argent par les fenêtres. « Moi non plus, je ne suis pas riche. » Mes malades ne me payent pas et je n'ai pas le moyen de jouer le rôle de la Providence au bénéfice de Jean de Santenoge. « Vous ne m'avez pas comprise, mon oncle, » murmura Marianne, qui rougissait de plus en plus et agitait nerveusement l'une de ses mains dans la poche de sa robe. « Je n'entends pas que vous vous gêniez. J'ai dans ma tirelire quelques pièces d'or qui ne me servent à rien et je voudrais vous prier d'être mon intermédiaire. » Elle tira de sa poche une bourse de soie bleue. « Voilà ma petite bourse, » continua-t-elle en l'attendant à Denis Brocard. « Donnez-la comme venant de vous à monsieur de Santenoge. Je lui dois bien cela pour les bonnes fraises que j'ai mangées chez lui. » Le docteur regarda un moment la bourse de filet où scintillaient quelques pièces d'or et il se sentit touché. Ce naïf dévouement de sa nièce pour le dernier des Santenoge était fait pour aller au cœur de cet enthousiaste disciple de Jean-Jacques et de Diderot. C'était un de ses traits comme les aimaient les âmes sensibles des lecteurs de la Nouvelle Héloïse et des amis de Bourbonne. « Tu es une adorable fille, » s'écria-t-il, en embrassant sa petite nièce. « Garde ta bourse. Je me charge de donner le viatique à M. de Santenoge. Ce soir, à la nuit tombante, je filerai à Birloup. » En effet, à la brune, Angélique reçut l'ordre d'atteler Clairette. Après avoir lesté son gousset de quelques louis et son estomac d'un léger souper, le docteur sauta dans son cabriolet et prit la route de Pralay. La lune n'était pas levée et comme il arrive dans les étroites vallées de la montagne langoise, à la tombée du jour, le ciel s'était embrumé, de sorte que la route était obscure, et lorsque le cabriolet se fut engagé sous bois, ses 2 lanternes autour desquelles venaient tournoyer des papillons de nuit jetaient seuls parmi les branches leurs capricieuses lueurs de feu follet. Plus d'une fois, Denis Brocard fut obligé de mettre pied à terre et de conduire par la bride Clairette, qui était devenue nerveuse et s'effarait pour la moindre grenouillette qui lui sautait dans les jambes. Aussi le brave docteur commençait-il à maugréer quand, vers 10 heures, les pignons de la vieille forge de Virloup s'accusèrent en noir sous le ciel plus clair. Encore quelques tours de roue et le cabriolet déboucha enfin sur la pelouse qui précédait la demeure de Jean de Santenoge. La façade du château se dressait, sombre et silencieuse, entre les arbres. Pas un filet de lumière au fond des volets. Le docteur attacha Clairette à un arbre, puis, gravissant le perron, se mit à cogner et à houper. Pas de réponse. Seul un coq dans la basse-cour, réveillé par ce vacarme et voyant l'aube prochaine, lança un coquerico sonore dans la nuit. « Morbleu !» murmura M. Brocard. « L'oiseau serait-il déniché ?» Il s'était remis à cogner et à appeler et commençait à se lasser, quand au-dessus des engrangements, le volet d'une lucarne s'ouvrit et d'une voix ensommée d'enfant demanda qui était là. Le docteur se nomma et pria le gamin de réveiller son maître. « Mon maître n'est pas ici, » répliqua le petit pâtureau d'un ton méfiant. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?»« Mon Gâchenet, » reprit le docteur de sa voix la plus paternelle. « Il faut que je parle à M. de Santenoge pour une affaire pressante. Descends et ouvre-moi, je ne te mangerai pas. » Soit par condescendance pour le docteur Brocard, qui l'avait guéri de la fièvre l'année d'avant, soit par curiosité, le pâtureau se décida à descendre et Denis Brocard fut enfin introduit dans la cuisine éclairée par un lumignon fumeux. « Ah ça !» dit-il au jeune drôle qui bâillait et écarquillait ses yeux encore gros de sommeil. « Santenoge ne couche donc plus chez lui ?» Le pâtureau leva les épaules. « Des fois il y couche et des fois non. Une jolie vie !» grommela Brocard en s'asseyant dans un vieux fauteuil de cuir. « Et où est-il à cette heure? Je ne sais pas. »« Et quand rentre-t-il ?»« Au petit jour, monsieur Brocard, quand il rentre. » »« Mazette, la sotte aventure. »« C'est égal, maintenant que j'y suis, j'attendrai. » Le pâtureau dormait debout. Il s'était appuyé contre la table et dodelinait de la tête. Enfoncé dans son fauteuil, le docteur sentait lui-même ses yeux se clore et le sommeil le prendre. Ils restèrent ainsi un bon quart d'heure sans dire mot, puis tout à coup Denis Brocard, se secouant pour vaincre l'assoupissement qui l'empoignait, héla de nouveau le gamin. « Tu dors, drôle ? » s'écria-t-il. « Et vous aussi, monsieur Brocard ? » répondit effrontément le pâtureau en rouvrant un œil. « Ce n'est pas le moment de dormir, quand ton maître court un danger sérieux. Tu penses bien que je ne suis pas venu d'Aubrive pour m'assoupir dans ta cuisine. Mon grand lit de l'abbatiale aura mieux fait l'affaire. Voyons, ouvre les yeux et les oreilles. Au petit jour, ces gens de Santenoge rentrent ici, il y trouvera les gendarmes. » Ce dernier mot fit sur le pâtureau l'effet d'un coup de canon. Il tressauta, se frotta les yeux et répéta. « Les gendarmes ? Est-il Dieu possible, monsieur Brocard ?»« Oui, les gendarmes. Pour arrêter ton maître et l'emmener en prison. Il faut donc que Santenoge soit prévenu assez à temps pour ne pas tomber dans le traquenard. Et maintenant, plus de cachotterie. Tu sais où il gîte ?» Le gamin se grattait la tête d'un air embarrassé. « Je sais sans le savoir, » répondit-il avec un demi-sourire. « Seulement, vous ne direz pas que c'est moi qui vous ai renseigné. »« Bah toujours. »« Eh bien, j'ai en idée qu'il est chez la Manette Bordet. »« Manette, la luronne au casaquin rouge, » murmura le docteur en passant sa main sur sa bouche. « Ah, l'enragé d'Anjuan !»« Et où loge-t-elle, cette Manette ?»« Au Val des Frais, à une petite heure d'ici, la première maison au rein de la forêt. » Vous raccourcirez un peu en suivant le ruisseau de Maigrefontaine. C'est bon, je connais le chemin, dit M. Brocard. Tu vas dételer ma jument et la conduire à ton écurie, moi j'irai à pied. Une fois Clairette dételée et mise à l'abri, le docteur prit son fouet en guise de canne et descendit vers le ruisseau dont on entendait la claire voix flûter dans l'obscurité. Bien qu'il fût encore alerte, M. Brocard n'avait plus ses jambes de 20 ans. Aussi fit-il la route plus lentement qu'il ne l'espérait. Souvent, trompé par le brouillard, il s'engagea dans de faux chemins, et la fine pointe du jour le surprit encore en forêt. Les nuits sont courtes en juillet, et quand il gagna enfin la lisière, les premiers rayons du soleil levant coloraient en rose la ramure des hêtres. Les prébas du Val des Frères roulaient dans l'ombre de blanches vagues de rosée, les lisières étaient toutes fumantes, et de légers flocons de vapeur se balançaient aux cimes des arbres. Dans la ferme, en plein réveil, les coqs chantaient. Un troupeau de vaches traversa le ruisseau en mugissant doucement. Le docteur crut distinguer près de la première maisonnette, accroupie à l'orée du bois, un mouvement inusité, et lui sembla reconnaître de loin les baudriers jaunes des gendarmes. « Serais-je déjà en retard ? » murmura-t-il en hâtant le pas. « Hélas, oui, il était trop tard. » Quand le docteur eut tourné la corne du bois, il vit déboucher du petit Claude de Manette Bordel le brigadier d'Aubrive et l'un de ses subalternes, tenant entre eux le donjon de Virlou, encore tout ahuri de l'aventure. Sur le seuil de la maison, Manette en jupon court et dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, tordait ses bras nus et se désolait bruyamment. Jean de Santenoge, pâle, les poings fermés, ne disait mot et mordait sa moustache. On sentait qu'il aurait eu bonne envie de résister. Mais les deux gendarmes avaient la poigne solide, et malgré la vigueur du jeune homme, la lutte n'aurait pas tourné à son avantage. « Ah, mon pauvre monsieur de Santenoge !» s'écria le docteur essoufflé. Jean de Santenoge releva la tête et reconnut Denis Brocard. « Bonjour, docteur, » dit-il avec un amer sourire. « Notre seconde rencontre ne vaut pas la première. Vous le voyez, j'étais pris comme un renard au sortir de son trou. C'est honteux !» il ajouta, en se tournant vers le brigadier. « Ça, où me conduisez-vous ? » ?»« À la maison d'arrêt de Langres, monsieur de Santenoge. À moins que vous ne préfériez payer au receveur d'Aubrive 228 francs 25 centimes. »« 228 malédictions sur la tête de ce gratte-papier !» s'écria Santenoge, dont les yeux lançaient des éclairs. « Allons, messieurs, partons. Adieu, Manette. Adieu, ma fille. » Denis Brocard se mouchait bruyamment et d'un air agité. Ses yeux vifs allaient de Santenoge à Manette Bordet, dont la jupe courte et la chemise mal nouée lui donnaient de notables distractions. À la fin, il mit la main dans son gousset et fit un signe aux gendarmes qui emmenaient déjà leur prisonnier. Brigadier Fondreton, cria-t-il, arrêtez. Il ne sera pas dit que j'aurais laissé traîner un centenoge en prison. Je vais vous compter 228 francs 25 centimes. Le brigadier, impassible, s'arrêta au port d'armes, fit le salut militaire et dit « Et en plus les frais de capture, 3 francs. »« Je paierai aussi les frais de capture, » répondit Denis Brocard. « Rendez la liberté à monsieur de Santenoge. » Restait une dernière difficulté. Les gendarmes ne voulaient libérer leur prisonnier qu'après l'avoir conduit devant le receveur qui seul pouvait toucher les deniers. « Moi, aller faire des génuflexions à ce Grimaud de février, jamais !» C'est qu'un Santenoge. Je préfère la prison de Langres. Marchons, messieurs. » Il fallut toute l'influence du docteur et sa promesse de tout arranger avec son neveu pour vaincre les scrupules du brigadier. Enfin, l'affaire fut terminée et l'argent compté. Les gendarmes saluèrent gravement et s'éloignèrent d'un pas cadencé. Manette, s'apercevant de sa toilette par trop sommaire, s'était retirée à son tour au fond de son logis. Denis Brocard et Jean de Santenoge restèrent seuls dans le sentier. « Docteur Brocard, » commença le jeune homme en serrant vigoureusement la main du médecin, « je ne vous ferai pas de longues phrases. Je vous dis seulement merci du fond du cœur. Et si je puis jamais vous revaloir ce service-là, comptez sur Jean de Santenoge. » « Je suis enchanté d'avoir obligé un galant homme, » repartit le docteur, « mais je suis vexé d'être arrivé trop tard. »« Que voulez-vous ? » fit Santenoge d'un air bon enfant. « Je me suis oublié chez cette pauvre Manette. » La friponne mérite qu'on s'oublie avec elle. Quels yeux noirs, quelle poitrine étoffée, quelle... Comment ? Interrompit le jeune homme en riant. Vous faites donc encore attention à ces choses-là ? Oui, je suis parti trop tard, mais il faut que quelque drôle m'ait trahi. À propos, docteur, savez-vous que vous êtes arrivé là comme une providence ? Pur hasard, murmura prudemment l'oncle de Marianne. Ils avaient repris le sentier de Virlot. Santenoge marchait le premier en sifflotant, et le docteur, un peu las de sa nuit blanche, les yeux à demi-clos, lui emboîtait le pas machinalement. « Ainsi, reprit Jean tout à coup, vous ne saviez pas que j'étais menacé d'une arrestation ?»« Comment l'aurais-je su ? Mon aimable neveu et moi, nous ne sympathisons guère, et il ne me fait pas ses confidences. »« Expliquez-moi une chose, » demanda Santenoge, passant brusquement d'une idée à une autre. « Comment ce vilain contrôleur peut-il être le père d'une aussi charmante fille que Mademoiselle Marianne ?»« Oh, celle-là, » s'écria Bernard, « c'est la mignonne des mignonnes. Tout le portrait de sa mère, qui était ma propre nièce. Fine, enjouée, généreuse, la tête vive et le cœur chaud. C'est une Brocard pur sang. » Une fois sur ce chapitre, le docteur ne tarissait plus et on atteignit Virlou avant qu'il eût fini de chanter les louanges de Marianne. En débouchant devant le châtelot, les premiers objets qu'aperçurent Santenoge furent le cabriolet avec ses brancards en l'air et Clarette que le pâtureau promenait au soleil. « Ah, docteur, » fit-il en menaçant Brocard du doigt, « vous ne m'avez pas dit la vérité. Vous étiez prévenu du danger qui me menaçait. »« Diantre, » murmura le médecin, « me voilà pris sans verre. »« Eh bien oui, j'ai été informé de la chose. »« Voyons, » reprit le jeune homme en riant, « soyez moins mystérieux. » Et nommez-moi la personne charitable qui a en même temps que vous des droits à ma reconnaissance. Après tout, ce n'est pas un gros secret, repartit Brocard. C'est ma nièce, Marianne, qui m'a pris par hasard les projets de son père. Alors l'idée m'est venue de jouer un tour à M. Février. J'ai trotté jusqu'à Virlou et voilà. Ah, c'est Mademoiselle Marianne, s'écria Santenoge. Puis, rougissant et avec un peu d'embarras, il ajouta : si vous lui contez le résultat de votre voyage, « vous glisserez sur les détails, n'est-ce pas, docteur ?»« Comptez sur ma discrétion, » répondit Brocard avec un malin clignement d'œil. « Et maintenant, mon cher Santenoge, priez votre page d'atteler Clarette. Il est grand temps que je regagne mes pénates. » Quand la jument fut attelée et qu'après un dernier échange de poignées de main, le docteur fut remonté sur le siège, Jean de Santenoge, au lieu de rentrer au châtelot, alla s'asseoir sur le tronc d'arbre d'où il avait vu jadis Marianne partir pour Pralay. Et longtemps après que le cabriolet, cahotant, eut disparu derrière les branches, le donjon de Virlou resta les pieds dans l'herbe, plongé dans une méditation profonde.